Les oiseaux sont mes confidents, et quand je siffle entre mes dents, ils me comprennent tous en somme. Ils sont plus sensibles à mes mots, pour n'être que des animaux, ils sont moins bêtes que les hommes. Voilà pourquoi autour de moi, faisant la joie des villageois, d'un sobriquet on me prénomme, toujours en me montrant du doigt, avec un petit air narquois. On m'appelle Simplet, l'innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage. Mon bonheur est complet, on m'appelle Simplet. On me prend pour un grand enfant, on est pour moi très indulgent, tous mes péchés on les pardonne. Je conjure le mauvais sort, ma présence est un réconfort, c'est un peu de joie que je donne. Et c'est ainsi que sans souci, sûr et hardi, dans mon midi, j'ai grandi de façon bouffonne. Si je n'ai pas beaucoup d'esprit, au fond, vous m'en voyez ravi. Ma belle Simplet, l'innocent du village, tout comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage, mon bonheur est complet, on m'appelle Simplet.